Livre dixième, chapitre 5. Le retrait ou 16 heures, Monsieur Louis de France. Le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'un moment avant d'apercevoir la bande nocturne des truands, Quasimodo, inspectant Paris du haut de son clocher, n'y voyait plus briller qu'une lumière, laquelle étoilait une vitre à l'étage le plus élevé d'un haut et sombre édifice à côté de la porte Saint-Antoine. Cet édifice, c'était la Bastille. Cette étoile, c'était la chandelle de Louis XI. Le roi Louis XI était en effet à Paris depuis 2 jours. Il devait repartir le surlendemain pour sa citadelle de Montilles-les-Tours. Il ne faisait jamais que de rares et courtes apparitions dans sa bonne ville de Paris, n'y sentant pas autour de lui assez de trappes, de gibets et d'archers écossais. Il était venu ce jour-là coucher à la Bastille. La grande chambre de 5 toises carrées qu'il avait au Louvre, avec sa cheminée chargée de 12 grosses bêtes et des 13 grands prophètes, et son grand lit de 11 pieds sur 12, lui agréait peu. Il se perdait dans toutes ses grandeurs. Ce roi bon bourgeois aimait mieux la Bastille avec une chambrette et une couchette. Et puis, la Bastille était plus forte que le Louvre. Cette chambrette que le roi s'était réservée dans la fameuse prison d'État était encore assez vaste et occupait l'étage le plus élevé d'une tourelle engagée dans le donjon. C'était un réduit de forme ronde, tapissé de nattes en paille luisante, plafonné à poutres, rehaussé de fleurs de lys d'étain doré avec des entrevous de couleurs, lambrissée à riches boiseries semées de rosettes d'étain blanc et peintes de beaux verguets, faits d'orpin et de florets fines. Il n'y avait qu'une fenêtre, une longue ogive treillissée de fils d'archal et de barreaux de fer, d'ailleurs obscurcie de belles vitres coloriées aux armes du roi et de la reine, dont le panneau revenait à 22 sols. Il n'y avait aussi qu'une entrée, une porte moderne à cintre surbaissé, garnie d'une tapisserie en dedans et au dehors d'un de ces porches de bois d'Irlande, frêles édifices de menuiserie, curieusement ouvrés, qu'on voyait encore en quantité de vieux logis il y a 150 ans. « Quoiqu'il défigure et embarrasse les lieux, » dit Sauval avec désespoir. « Nos vieillards, pourtant, ne s'en veulent point défaire et les conservent en dépit d'un chacun. » On ne trouvait dans cette chambre rien de ce qui meublait les appartements ordinaires, ni banc, ni tréteau, ni forme, ni escabelle commune en forme de caisse, ni belles escabelles soutenues de piliers et de contre-piliers à 4 sols la pièce. On n'y voyait qu'une chaise pliante à bras, fort magnifique, le bois en étant peint de rose sur fond rouge, le siège de cordoue en vermeil, garni de longues franges de soie et piqué de 1000 clous d'or. La solitude de cette chaise faisait voir qu'une seule personne avait droit de s'asseoir dans la chambre. À côté de la chaise et tout près de la fenêtre, il y avait une table recouverte d'un tapis à figure d'oiseau. Sur cette table, un galemard taché d'encre, quelques parchemins, quelques plumes et un anape d'argent ciselé. Un peu plus loin, un chauffe-doux, un prie-dieu de velours cramoisi, relevé de bossettes d'or. Enfin, au fond, un simple lit de damas jaune et un carnat, sans clinquant ni passement, les franges sans façon. C'est ce lit, fameux pour avoir porté le sommeil ou l'insomnie de Louis XI, qu'on pouvait encore contempler il y a 200 ans chez un conseiller d'État où il avait été vu par la vieille Madame Pilou, célèbre dans le scie russe sous le nom d'Aricidier et de la morale vivante. Telle était la chambre qu'on appelait Le retrait où dit ses heures, Monsieur Louis de France. Au moment où nous y avons introduit le lecteur, ce retrait était fort obscur. Le couvre-feu étant sonné depuis 1 heure, Il faisait nuit, et il n'y avait qu'une vacillante chandelle de cire posée sur la table pour éclairer 5 personnages diversement groupés dans la chambre. Le premier sur lequel tombait la lumière était un seigneur superbement vêtu d'un haut de chausse et d'un juste au corps écarlate rayé d'argent et d'une casaque à mahoîtres de drap d'or à dessins noirs. Ce splendide costume, où se jouait la lumière, semblait glacé de flamme à tous ses plis. L'homme qui le portait avait sur la poitrine ses armoiries brodées de vives couleurs, un chevron accompagné en pointe d'un daim passant. L'écusson était accosté à droite d'un rameau d'olivier, à gauche d'une corne de daim. Cet homme portait à sa ceinture une riche dague dont la poignée de vermeil était ciselée en forme de cimier et surmontée d'une couronne comtale. Il avait l'air mauvais, la mine fière et la tête haute. Au premier coup d'œil, on voyait sur son visage l'arrogance, au second, la ruse. Il se tenait tête nue, une longue pancarte à la main, derrière la chaise à bras sur laquelle était assis, le corps disgracieusement plié en deux, les genoux chevauchant l'un sur l'autre, le coude sur la table, un personnage fort mal accoutré. Qu'on se figure en effet, sur l'opulent cuir de Cordoue, deux rotules cagneuses, deux cuisses maigres pauvrement habillées d'un tricot de laine noire, un torse enveloppé d'un surtout de futaine avec une fourrure dont on voyait moins le poil que le cuir, enfin pour couronner, un vieux chapeau gras du plus méchant drap noir bordé d'un cordon circulaire de figurines de plomb. Voilà, avec une sale calotte qui laissait à peine passer un cheveu, tout ce qu'on distinguait du personnage assis. Il tenait sa tête tellement courbée sur sa poitrine qu'on n'apercevait rien de son visage recouvert d'ombre, si ce n'est le bout de son nez sur lequel tombait un rayon de lumière et qui devait être long. À la maigreur de sa main ridée, on devinait un vieillard. C'était Louis XI. À quelque distance derrière eux, causaient à voix basse deux hommes vêtus à la coupe flamande qui n'étaient pas assez perdus dans l'ombre pour que quelqu'un de ceux qui avaient assisté à la représentation du mystère de Gringoire n'eût pu reconnaître en eux deux les principaux envoyés flamands, Guillaume Rime, le sagace pensionnaire de Gand, et Jacques Coppenole, le populaire chaussetier. On se souvient que ces deux hommes étaient mêlés à la politique secrète de Louis XI. Enfin, au fond, près de la porte, se tenait debout dans l'obscurité, immobile comme une statue, un vigoureux homme à membres trapus, à harnois militaires, à casaque armoriée, dont la face carrée, percée d'yeux à fleur de tête, fondue d'une immense bouche, dérobant ses oreilles sous de larges abat-vents de cheveux plats, sans front, tenait à la fois du chien et du tigre. Tous étaient découverts, excepté le roi. Le seigneur qui était auprès du roi lui faisait lecture d'une espèce de long mémoire que sa majesté semblait écouter avec attention. Les deux flamands chuchotaient. « Croix Dieu !» grommelait Coppenole. « Je suis las d'être debout. Est-ce qu'il n'y a pas de chaise ici ?» Rime répondait par un geste négatif, accompagné d'un sourire discret. « Croix Dieu !» reprenait Coppenole, tout malheureux d'être obligé de baisser ainsi la voix. « L'envie me démange de m'asseoir à terre, jambes croisées en chaussetier comme je fais dans ma boutique. »« Gardez-vous-en bien, maître Jacques. » Ouais, maître Guillaume, ici l'on ne peut être que sur les pieds. Ou sur les genoux, dit Rime. En ce moment, la voix du roi s'éleva. Ils se turent. Cinquante sols les robes de nos valets, et 12 livres les manteaux des clercs de notre couronne. C'est cela? Versez l'oratone. Êtes-vous fou, Olivier? En parlant ainsi, le vieillard avait levé la tête. On voyait reluire à son cou les coquilles d'or du collier de Saint-Michel. La chandelle éclairait en plein son profil décharné et morose. Il arracha le papier des mains de l'autre. « Vous nous ruinez !» cria-t-il en promenant ses yeux creux sur le cahier. « Qu'est-ce que tout cela? Qu'avons-nous besoin d'une si prodigieuse maison? Deux chapelains à raison de 10 livres par mois chacun ? Et un clerc de chapelle à 100 sols, un valet de chambre à 90 livres par an, 4 écuyers de cuisine à 120 livres par an chacun, un asteur, un potager, un saucier, un queue, un sommelier d'armure, deux valets de sommier à raison de 10 livres par mois chaque, deux galopins de cuisine à 8 livres, un palefrenier et ses 2 aides à 24 livres par mois, un porteur, un pâtissier, un boulanger, 2 charretiers, chacun 60 livres par an, et le maréchal des forges 6-20 livres, et le maître de la chambre de nos deniers 1200 livres, et le contrôleur 500, que sais-je, moi, c'est une furie. Les gages de nos domestiques mettent la France au pillage. Tous les mugeots du Louvre fondront à un tel feu de dépenses. Nous y vendrons nos vaisselles. Et l'an prochain, si Dieu est notre dame, ici, il souleva son chapeau, nous prête vie, nous boirons nos tisanes dans un pot d'étain. En disant cela, il jeta un coup d'œil sur le hanap d'argent qui étincelait sur la table. Il toussa et poursuivit. Maître Olivier, les princes qui règnent aux grandes seigneuries, comme rois et empereurs, ne doivent pas laisser engendrer la somptuosité en leur maison. Car de là, ce feu court par la province. Donc, maître Olivier, tiens-toi ceci pour dit, notre dépense augmente tous les ans. La chose nous déplaît. Comment, Pasque Dieu, jusqu'en 79, elle n'a point passé 36 000 livres. En 80, elle a atteint 1 619 livres. J'ai le chiffre en tête. En 81, 66 680 livres. Et cette année, par la foi de mon corps, elle atteindra 80 000 livres, doublée en 4 ans. Monstrueux! Il s'arrêta essoufflé. Puis, il reprit avec emportement. Je ne vois autour de moi que des gens qui s'engraissent de ma maigreur. Vous me sucez les écus par tous les pores. » Tous gardaient le silence. C'était une de ces colères qu'on laisse aller. Il continua. « C'est comme cette requête en latin de la Seigneurie de France, pour que nous ayons à rétablir ce qu'ils appellent les grandes charges de la couronne. Charges en effet, charges qui écrasent. Ah, messieurs, vous dites que nous ne sommes pas un roi pour régner d'apiferonulo, Bouticularionullo. Nous vous le ferons voir, Pasque Dieu, si nous ne sommes pas un roi. » Ici, il sourit avec le sentiment de sa puissance. Sa mauvaise humeur s'en adoucit, et il se tourna vers les Flamands. Voyez-vous, compère Guillaume, le grand panetier, le grand bouteiller, le grand chambellan, le grand sénéchal ne valent pas le moindre valet. Retenez ceci, compère Coppenole, ils ne servent à rien. À se tenir ainsi, inutile autour du roi, ils me font l'effet des 4 évangélistes qui environnent le cadran de la grande horloge du palais et que Philippe Brille vient de remettre à 9. Ils sont dorés, mais ils ne marquent pas l'heure, et l'aiguille peut se passer d'eux. » Il demeura un moment pensif et ajouta, en hochant sa vieille tête, « Ah ah, par Notre-Dame, je ne suis pas Philippe Brille et je ne redorerai pas les grands vassaux. Je suis de l'avis du roi Édouard. Sauvez le peuple et tuez les seigneurs. » Continue, Olivier. Le personnage qu'il désignait par ce nom reprit le cahier de ses mains et se remit à lire à haute voix. À Adam Tenon, commis à la garde des sceaux de la prévôté de Paris, pour l'argent, façon et gravure des 10 sceaux qui ont été faits 9, pour ce que les autres précédents, pour leur antiquité et caduqueté, ne pouvait plus bonnement servir, 12 livres parisis. À Guillaume Frère, la somme de 4 livres 4 sols parisis pour ses peines et salaires d'avoir nourri et alimenté les colombes des 2 colombiers de l'hôtel des Tournelles durant les mois de janvier, février et mars de cette année, et pour ceux à donner 7 sextiers d'orge. À un cordelier pour confession d'un criminel, 4 sols parisis. Le roi écoutait en silence, de temps en temps il toussait. Alors il portait le hanap à ses lèvres et buvait une gorgée en faisant une grimace. En cette année ont été faits par ordonnance de justice, à son de trompe par les carrefours de Paris, 56 cris, compte à régler. Pour avoir fouillé et cherché en certains endroits, tant dans Paris qu'ailleurs, de la finance qu'on disait y avoir été cachée, mais rien n'y a été trouvé, 45 livres parisis. Enterrer un écu pour déterrer un sou, dit le roi. Pour avoir mis à point, à l'hôtel des Tournelles, 6 panneaux de verre blanc à l'endroit où est la cage de fer, 13 sols, pour avoir fait et livré par le commandement du roi, le jour des monstres, 4 écussons aux armes du dit seigneur, enchapessés de chapeaux de rose, tout alentour, 6 livres. Pour 2 manches neuves aux vieilles pourpoints du roi, 20 sols. Pour une boîte de graisse à graisser les bottes du roi, 15 deniers. Une étable faite de neuf pour loger les pourceaux noirs du roi, 30 livres parisis. Plusieurs cloisons, planches et trappes faites pour enfermer les lions d'Emprée Saint-Paul, 22 livres. Voilà des bêtes qui sont chères, dit Louis XI. N'importe. C'est une belle magnificence de roi. Il y a un grand lion roux que j'aime pour ses gentillesses. L'avez-vous vu, maître Guillaume? Il faut que les princes aient de ces animaux mirifiques. À nous autres, roi, nos chiens doivent être des lions et nos chats des tigres. Le grand va aux couronnes. Du temps des païens de Jupiter, quand le peuple offrait aux églises 100 bœufs et 100 brebis, les empereurs donnaient 100 lions et 100 aigles. Cela était farouche et fort beau. Les rois de France ont toujours eu de ces rugissements autour de leur trône. Néanmoins, on me rendra cette justice que j'y dépense encore moins d'argent qu'eux, et que j'ai une grande modestie de lion, d'ours, d'éléphant et de léopard. Allez, maître Olivier, nous voulions dire cela à nos amis les Flamands. Guillaume Rime s'inclina profondément, tandis que Coppenole, avec sa mine bourrue, avait l'air d'un de ces ours dont parlait sa majesté. Le roi n'y prit pas garde. Il venait de tremper ses lèvres dans le hanap et recracher le breuvage en disant « Pouah ! La fâcheuse tisane !» Celui qui lisait continua. « Pour nourriture d'un maraud piéton enverrouillé depuis 6 mois dans la logette de l'écorcherie, en attendant qu'on sache qu'en faire, 6 livres 4 sols. « Qu'est-ce là ? » interrompit le roi. « Nourrir ce qu'il faut pendre ? Pas que Dieu ! Je ne donnerai pas un sol pour cette nourriture. Olivier, entendez-vous de la chose avec monsieur d'Estouteville, et dès ce soir, faites-moi le préparatif des noces du galant avec la potence. Reprenez. » Olivier fit une marque avec le pouce à l'article du marchand piéton et passa outre. À Henriette Cousin, maître exécuteur des hautes œuvres de la justice de Paris, la somme de 60 sols parisis à lui taxée et ordonnée par Monseigneur le prévôt de Paris, pour avoir acheté, de l'ordonnance de Mondissieur le prévôt, une grande épée à feuilles servant à exécuter et décapiter les personnes qui par justice sont condamnées pour leur démérite. Et Issel fait garnir le fourreau et de tout ce qui y appartient, et pareillement a fait remettre à point et rhabiller la vieille épée qui s'était éclatée et ébréchée en faisant la justice de Messire Louis de Luxembourg, comme plus à point peut apparoir. Le roi interrompit. « Il suffit. J'ordonnance la somme de grand cœur. Voilà des dépenses où je ne regarde pas. Je n'ai jamais regretté cet argent-là. Suivez. » Pour avoir fait de neuf une grande cage, « Ah !» dit le roi en prenant de ses deux mains les bras de sa chaise. « Je savais bien que j'étais venu en cette Bastille pour quelque chose. Attendez, maître Olivier. Je veux voir moi-même la cage. Vous m'en direz le coup pendant que je l'examinerai. » Messieurs les Flamands, venez voir cela, c'est curieux. » Alors il se leva, s'appuya sur le bras de son interlocuteur, fit signe à l'espèce de muet qui se tenait debout devant la porte de le précéder, aux deux Flamands de le suivre, et sortit de la chambre. La royale compagnie se recruta à la porte du retrait, d'hommes d'armes tout alourdis de fer et de minces pages qui portaient des flambeaux. Elle chemina quelque temps dans l'intérieur du sombre donjon, percé d'escaliers et de corridors, jusque dans l'épaisseur des murailles. Le capitaine de la Bastille marchait en tête et faisait ouvrir les guichets devant le vieux roi malade et voûté, qui toussait en marchant. À chaque guichet, toutes les têtes étaient obligées de se baisser, excepté celle du vieillard plié par l'âge. « Hein ! » disait-il entre ses gencives, car il n'avait plus de dents. « Nous sommes déjà tout prêts pour la porte du sépulcre. À porte basse, passant courbé. » Enfin, après avoir franchi un dernier guichet, si embarrassé de serrures qu'on mit un quart d'heure à l'ouvrir, ils entrèrent dans une haute et vaste salle en ogive, au centre de laquelle on distinguait, à la lueur des torches, un gros cube massif de maçonnerie, de fer et de bois. L'intérieur était creux. C'était une de ces fameuses cages à prisonniers d'État qu'on appelait les fillettes du roi. Il y avait aux parois deux ou trois petites fenêtres, si drûment treillissées d'épais barreaux de fer qu'on n'en voyait pas la vitre. La porte était une grande dalle de pierre plate, comme au tombeau. De ces portes qui ne servent jamais que pour entrer. Seulement ici, le mort était un vivant. Le roi se mit à marcher lentement autour du petit édifice, en l'examinant avec soin, tandis que Maître Olivier, qui le suivait, lisait tout haut le mémoire. Pour avoir fait de neuf une grande cage de bois et de grosses solives, membrures et sablières, contenant 9 pieds de long sur 8 de lait et de hauteur 7 pieds entre 2 planchers, lissée et boujonnée à gros boujons de fer, laquelle a été assise en une chambre étant à l'une des tours de la Bastide Saint-Antoine, en laquelle cage est mis et détenu par commandement du roi notre Seigneur, un prisonnier qui habitait précédemment une vieille cage caduque et décrépite, ont été employés à cette dite cage neuve 96 solives de couche et 52 solives debout, 10 sablières de 3 toises de long, et ont été occupés 19 charpentiers pour équarrir, ouvrer et tailler tous les 10 bois en la cour de la Bastille pendant 20 jours. D'assez beaux cœurs de chêne, dit le roi en cognant du poing la charpente. Il est entré dans cette cage, poursuivit l'autre, 220 gros boujons de fer, de 9 pieds et de 8, le surplus de moyenne longueur, avec les rouelles pommelles et contrebandes servant aux 10 boujons, pesant, tout le dit fer, 3735 livres. Outre 8 grosses équières de fer servant à attacher la dite cage, avec les crampons et clous, pesant ensemble 218 livres de fer, sans compter le fer des treillis des fenêtres de la chambre, où la cage a été posée, les barres de fer de la porte de la chambre et autre chose. « Voilà bien du fer, dit le roi, pour contenir la légèreté d'un esprit. » Le tout revient à 317 livres 5 sols 7 deniers. « Pas que Dieu !» s'écria le roi. À ce juron, qui était le favori de Louis XI, il parut que quelqu'un se réveillait dans l'intérieur de la cage. On entendit des chaînes qui en écorchaient le plancher avec bruit. Et il s'éleva une voix faible qui semblait sortir de la tombe. « Sire, sire, grâce !» On ne pouvait voir celui qui parlait ainsi. « 317 livres 5 sols 7 deniers !» reprit Louis XI. La voix lamentable qui était sortie de la cage avait glacé tous les assistants, Maître Olivier lui-même. Le roi seul avait l'air de ne pas l'avoir entendu. Sur son ordre, Maître Olivier reprit sa lecture et Sa Majesté continua froidement l'inspection de la cage. Outre cela a été payé à un maçon qui a fait les trous pour poser les grilles des fenêtres et le plancher de la chambre où est la cage, parce que le plancher n'eût pu porter cette cage à cause de sa pesanteur, 27 livres 14 sols parisis. La voix recommença à gémir. « Grâce, sire !» Je vous jure que c'est monsieur le cardinal d'Angers qui a fait la trahison et non pas moi. Le maçon est rude, dit le roi. Continue, Olivier. Olivier continua. À un menuisier pour fenêtres, couches, selles percées et autre chose, 20 livres 2 sols parisis. La voix continuait aussi. Hélas, sire, ne m'écouterez-vous pas? Je vous proteste que ce n'est pas moi qui ai écrit la chose à Monseigneur de Guyenne, mais monsieur le cardinal l'a balu. Le menuisier est cher, observa le roi. Est-ce tout? Non, sire. À un vitrier pour les vitres de la dite chambre, 46 sols 8 deniers parisis. Faites grâce, sire. N'est-ce donc pas assez qu'on ait donné tous mes biens à mes juges, ma vaisselle à monsieur de Torcy, ma librairie à maître d'Auriol? « Ma tapisserie au gouverneur du Roussillon. Je suis innocent. Voilà 14 ans que je grelotte dans une cage de fer. Faites grâce, sire, vous retrouverez cela dans le ciel. » « Maître Olivier, dit le roi, le total, 367 livres, 8 sols, 3 deniers parisis. Notre-Dame ! Cria le roi. Voilà une cage outrageuse ! Il arracha le cahier des mains de Maître Olivier et se mit à compter lui-même sur ses doigts, en examinant tour à tour le papier et la cage. Cependant, on entendait sangloter le prisonnier. Cela était lugubre dans l'ombre, et les visages se regardaient en pâlissant. 14 ans, sire, voilà 14 ans, depuis le mois d'avril 1469. Au nom de la Sainte Mère de Dieu, sire, écoutez-moi. Vous avez joui tout ce temps de la chaleur du soleil. Moi, chétif, ne verrai-je plus jamais le jour. Grâce, sire, soyez miséricordieux. La clémence est une belle vertu royale qui rompt les courantes de la colère. Croit-elle, votre majesté, que ce soit à l'heure de la mort un grand contentement pour un roi de n'avoir laissé aucune offense impunie? D'ailleurs, sire, je n'ai point trahi votre majesté. C'est monsieur d'Angers, et j'ai au pied une bien lourde chaîne et une grosse boule de fer au bout, beaucoup plus pesante qu'il n'est de raison. Et sire, ayez pitié de moi. Olivier, dit le roi en hochant la tête, je remarque qu'on me compte le mi de plâtre à 20 sols, qui n'en vaut que 12. Vous referez ce mémoire. Il tourna le dos à la cage et se mit en devoir de sortir de la chambre. Le misérable prisonnier, à l'éloignement des flambeaux et du bruit, jugea que le roi s'en allait. « Sire, sire » cria-t-il avec désespoir. La porte se referma. Il ne vit plus rien et n'entendit plus que la voix rauque du guichetier qui lui chantait aux oreilles la chanson « Maître Jean Balu a perdu la vue. » De ses évêchés, Monsieur de Verdun n'en a plus pas un, tous sont dépêchés. Le roi remontait en silence à son retrait et son cortège le suivait, terrifié des derniers gémissements du condamné. Tout à coup, Sa Majesté se tourna vers le gouverneur de la Bastille. « À propos, » dit-elle, « n'y avait-il pas quelqu'un dans cette cage ?»« Pardieu, sire !» répondit le gouverneur, stupéfait de la question. « Et qui donc ?»« Monsieur l'évêque de Verdun !» Le roi savait cela mieux que personne, mais c'était une manie. « Ah !» dit-il avec l'air naïf d'y songer pour la première fois. « Guillaume de Harancourt, l'ami de monsieur le cardinal l'a balu, un bon diable d'évêque. » Au bout de quelques instants, la porte du retrait s'était rouverte, puis reclose sur les 5 personnages que le lecteur y a vus au commencement de ce chapitre, et qui avaient repris leur place, leur causerie à demi-voix et leurs attitudes. Pendant l'absence du roi, on avait déposé sur la table quelques dépêches, dont il rompit lui-même le cachet. Puis il se mit à les lire promptement l'une après l'autre, fit signe à Maître Olivier, qui paraissait avoir près de lui office de ministre, de prendre une plume, et sans lui faire part du contenu des dépêches, commença à lui en dicter à voix basse les réponses que celui-ci écrivait, assez incommodément agenouillé devant la table. Guillaume Rym observait. Le roi parlait si bas que les flamands n'entendaient rien de sa dictée, si ce n'est çà et là quelques lambeaux isolés et peu intelligibles comme « maintenir les lieux fertiles par le commerce, les stériles par les manufactures ». « Faire voir aux seigneurs anglais nos 4 bombardes, la Londres, la Brabant, la Bourg-en-Bresse, la Saint-Omer, l'artillerie est cause que la guerre se fait maintenant plus judicieusement. À monsieur de Bressuire, notre ami, les armées ne s'entretiennent sans les tribus, etc. » Une fois il haussa la voix. « Pas que Dieu ! Monsieur le roi de Sicile scelle ses lettres sur cire jaune comme un roi de France. Nous avons peut-être tort de le lui permettre. Mon beau cousin de Bourgogne ne donnait pas d'armoirie à Champdegueule. La grandeur des maisons s'assure en l'intégrité des prérogatives. Note ceci, compère Olivier. Une autre fois, « Oh, oh » dit-il, « le gros message que nous réclame notre frère l'empereur. et parcourant des yeux la missive, en coupant sa lecture d'interjections, « Certes, les Allemagnes sont si grandes et puissantes qu'il est à peine croyable. Mais nous n'oublions pas le vieux proverbe, la plus belle comté est Flandre, la plus belle duché est Milan, le plus beau royaume, France. N'est-ce pas, messieurs les Flamands ?» Cette fois, Coppenole s'inclina avec Guillaume Rym. Le patriotisme du chaussetier était chatouillé. Une dernière dépêche fit froncer le sourcil à Louis XI. « Qu'est cela ? » s'écria-t-il. « Des plaintes et quérimonies contre nos garnisons de Picardie. Olivier, écrivez en diligence à monsieur le maréchal de Rouault. Que des disciplines se relâchent, que les gendarmes des ordonnances, les nobles de banc, les francs archers, les Suisses, font des maux infinis aux manants. Que l'homme de guerre, ne se contentant pas des biens qu'il trouve en la maison des laboureurs, les contraint à grands coups de bâton ou de voulge à aller quérir du vin à la ville, du poisson, des épiceries et autres choses excessives. Que monsieur le roi sait cela, que nous entendons garder notre peuple des inconvénients, larcins et pilleries, que c'est notre volonté par Notre-Dame. Qu'en outre, il ne nous agrée pas qu'aucun ménétrier, barbier ou valet de guerre soit vêtu comme prince de velours, de draps de soie et d'anneaux d'or. Que ces vanités sont haineuses à Dieu. Que nous nous contentons, nous qui sommes gentilshommes, d'un pourpoint de drap à 16 sols l'aune de Paris. Que messieurs les goujats peuvent bien se rabaisser jusque-là, eux aussi. Mandez et ordonnez à monsieur de Rouault, notre ami. Bien. Il dicta cette lettre à haute voix d'un ton ferme et par saccade. Au moment où il achevait, la porte s'ouvrit et donna passage à un nouveau personnage qui se précipita tout effaré dans la chambre en criant « Sire, sire, il y a une sédition de populaire dans Paris !» La grave figure de Louis XI se contracta, mais ce qu'il y eut de visible dans son émotion passa comme un éclair. Il se contint et dit avec une sévérité tranquille « Compère Jacques, vous entrez bien brusquement. »« Sire, sire, il y a une révolte !» reprit le compère Jacques essoufflé. Le roi qui s'était levé lui prit rudement le bras et lui dit à l'oreille de façon à être entendu de lui seul, avec une colère concentrée et un regard oblique sur les Flamands, « Tais-toi ou parle bas !» Le nouveau venu comprit et se mit à lui faire tout bas une narration très effarouchée que le roi écoutait avec calme, tandis que Guillaume Rym faisait remarquer à Coppenole le visage et l'habit du nouveau venu, sa capuce fourrée, capucia furata, son épitoge courte, epitogia curta, sa robe de velours noir qui annonçait un président de la Cour des comptes. À peine ce personnage eut-il donné au roi quelques explications que Louis XI s'écria en éclatant de rire « En vérité, parlez tout haut, compère Coictier, qu'avez-vous à parler bas ainsi ? Notre-Dame sait que nous n'avons rien de caché pour nos bons amis flamands. » « Mais, sire... » « Parlez tout haut. » Le compère Coictier demeurait muet de surprise. « Donc, reprit le roi, parlez, monsieur, il y a une émotion de manant dans notre bonne ville de Paris ?»« Oui, sire. » « Et qui se dirige, dites-vous, contre monsieur le bailli du palais de justice ?»« Il y a apparence, répondit le compère qu'il balbutiait encore tout étourdi du brusque et inexplicable changement qui venait de s'opérer dans les pensées du roi. Louis XI reprit. « Où le guet a-t-il rencontré la cohue ?»« Cheminant de la grande truanderie vers le pont aux changeurs. Je l'ai rencontré moi-même comme je venais ici pour obéir aux ordres de votre majesté. J'en ai entendu quelques-uns qui criaient « À bas le bailli du palais !»« Et quels griefs ont-ils contre le bailli ?»« Ah !» dit le compère Jacques, « qu'il est leur seigneur !»« Vraiment ?»« Oui, sire, ce sont des marauds de la cour des miracles. » Voilà longtemps déjà qu'ils se plaignent du bailli dont ils sont vassaux. Ils ne veulent le reconnaître ni comme justicier ni comme voyer. « Oui, da !» repartit le roi avec un sourire de satisfaction qu'il s'efforçait en vain de déguiser. « Dans toutes leurs requêtes au Parlement, reprit le compère Jacques, ils prétendent n'avoir que deux maîtres, votre majesté et leur Dieu, qui est, je crois, le diable. »« Hé hé !» dit le roi. Il se frottait les mains. Il riait de ce rire intérieur qui fait rayonner le visage. Il ne pouvait dissimuler sa joie, quoiqu'il essayât par instant de se composer. Personne n'y comprenait rien, pas même maître Olivier. Il resta un moment silencieux avec un air pensif, mais content. « Sont-ils de force ? » demanda-t-il tout à coup. « Oui, certes, sire, » répondit le compère Jacques. « Combien ? » ?»« Au moins 6 000 !» Le roi ne put s'empêcher de dire. « Bon, » il reprit, « sont-ils armés ?»« Des faux, des piques, des hackebutes, des pioches, toutes sortes d'armes fort violentes !» Le roi ne parut nullement inquiet de cet étalage. Le compère Jacques crut devoir ajouter « Si votre majesté n'envoie pas promptement au secours du bailli, il est perdu. »« Nous en verrons, » dit le roi avec un faux air sérieux. « C'est bon, certainement nous en verrons. Monsieur le bailli est notre ami. 6 000, ce sont de déterminés drôles. La hardiesse est merveilleuse et nous en sommes fort courroucés. Mais nous avons peu de monde cette nuit autour de nous. Il sera temps demain matin. » Le compère Jacques se récria. « Tout de suite, sire, le bailliage aura 20 fois le temps d'être saccagé, la seigneurie violée et le bailli pendu. Pour Dieu, sire, envoyez avant demain matin. » Le roi le regarda en face. « Je vous ai dit demain matin. » C'était un de ces regards auxquels on ne réplique pas. Après un silence, Louis XI éleva de nouveau la voix. « Mon compère Jacques, vous devez savoir cela. Quel était... » Il se reprit. Quelle est la juridiction féodale du bailli? Sire, le bailli du palais à la rue de la Calandre jusqu'à la rue de l'Herberie, la place Saint-Michel et les lieux vulgairement nommés les Mureaux assis près de l'église Notre-Dame-des-Champs. Ici, Louis XI souleva le bord de son chapeau. Lesquels hôtels sont au nombre de 13, plus la cour des miracles, plus la maladrerie appelée la banlieue, plus toute la chaussée qui commence à cette maladrerie et finit à la porte Saint-Jacques. De ces divers endroits, il est voyé haut, moyen et bas justicier, plein seigneur. « Ouais, » dit le roi en se grattant l'oreille gauche avec la main droite. « Cela fait un bon bout de ma ville. »« Ah, monsieur le bailli était roi de tout cela. » Cette fois, il ne se reprit point. Il continua rêveur et comme se parlant à lui-même. « Tout beau, monsieur le bailli, vous aviez là entre les dents un gentil morceau de notre Paris. » Tout à coup, il fit explosion. « Pas que Dieu! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se prétendent voyers, justiciers, seigneurs et maîtres chez nous, qui ont le péage à tout bout de champ, leur justice et leur bourreau à tout carrefour parmi notre peuple? De façon que, comme le grec se croyait autant de dieux qu'il avait de fontaines, et le persan autant qu'il voyait d'étoiles, le français se compte autant de rois qu'il voit de gibets. Par Dieu, cette chose est mauvaise, et la confusion m'en déplaît. Je voudrais bien savoir si c'est la grâce de Dieu qu'il y ait à Paris un autre voyer que le roi, une autre justice que notre parlement, un autre empereur que nous dans cet empire. Par la foi de mon âme, il faudra bien que le jour vienne où il n'y aura en France qu'un roi, qu'un seigneur, qu'un juge, qu'un coupe-tête, comme il n'y a au paradis qu'un Dieu. » Il souleva encore son bonnet et continua, rêvant toujours, avec l'air et l'accent d'un chasseur qui agace et lance sa meute. « Bon, mon peuple, bravement, brise ces faux seigneurs, fais ta besogne, sus, pille-les, pend-les, saccage-les. Ah, vous voulez être roi, mes seigneurs, va, peuple, va !» Ici, il s'interrompit brusquement, se mordit la lèvre comme pour attraper sa pensée à demi échappée, appuya tour à tour son œil perçant sur chacun des 5 personnages qui l'entouraient, et tout à coup saisissant son chapeau à 2 mains et le regardant en face, il lui dit « Oh, je te brûlerais si tu savais ce qu'il y a dans ma tête !» Puis, promenant de nouveau autour de lui le regard attentif et inquiet du renard, qui rentre sournoisement à son terrier, « Il n'importe !» « Nous secourrons, monsieur le bailli. Par malheur, nous n'avons que peu de troupes ici en ce moment, contre tant de populaires. Il faut attendre jusqu'à demain. On remettra l'ordre en la cité et l'on pendra vertement tout ce qui sera pris. » « À propos, sire, dit le compère Coictier, j'ai oublié cela dans le premier trouble. Le guet a saisi 2 traînards de la bande. Si votre majesté veut voir ces hommes, ils sont là. » « Si je veux les voir, cria le roi, Comment, pas que Dieu? Tu oublies chose pareille. Cours vite, toi, Olivier. Va les chercher. Maître Olivier sortit et rentra un moment après avec les deux prisonniers, environnés d'archers de l'ordonnance. Le premier avait une grosse face idiote, ivre et étonné. Il était vêtu de guenilles et marchait en pliant le genou et en traînant le pied. Le second était une figure blême et souriante que le lecteur connaît déjà. Le roi les examina un instant sans mot dire, puis, s'adressant brusquement au premier, « Comment t'appelles-tu ? » « Geoffroy Pincebourde. » « Ton métier ? » ?»« Truand ? » ?»« Qu'allais-tu faire dans cette damnable sédition ?» Le truand regarda le roi en balançant ses bras d'un air hébété. C'était une de ces têtes mal conformées où l'intelligence est à peu près aussi à l'aise que la lumière sous les ténoirs. « Je ne sais pas, » dit-il. « On allait, j'allais. » « N'alliez-vous pas attaquer outrageusement et piller votre seigneur le bailli du palais ?»« Je sais qu'on allait pendre quelque chose chez quelqu'un, voilà tout. » Un soldat montra au roi une serpe qu'on avait saisie sur le truand. « Reconnais-tu cette arme ? » demanda le roi. « Oui, c'est ma serpe. Je suis vigneron. » « Et reconnais-tu cet homme pour ton compagnon ? » ajouta Louis XI en désignant l'autre prisonnier. « Non, je le connais point. » « Il suffit, dit le roi. » Et faisant un signe du doigt au personnage silencieux, immobile près de la porte, que nous avons déjà fait remarquer au lecteur. « Compère Tristan, voilà un homme pour vous. » Tristan l'ermite s'inclina. Il donna un ordre à voix basse à deux archers qui emmenèrent le pauvre truand. Cependant, le roi s'était approché du second prisonnier qui suait à grosses gouttes. « Ton nom ?»« Sire, Pierre Gringoire. »« Ton métier ?»« Philosophe, sire. » « Comment te permets-tu, drôle, d'aller investir notre ami monsieur le bailli du palais ? Et qu'as-tu à dire de cette émotion populaire ?»« Sire, je n'en étais pas. »« Or ça, paillard, n'as-tu pas été appréhendé par le guet dans cette mauvaise compagnie ?»« Non, sire, il y a méprise, c'est une fatalité. Je fais des tragédies. Sire, je supplie votre majesté de m'entendre. Je suis poète. C'est la mélancolie des gens de ma profession d'aller la nuit par les rues. Je passais par là ce soir. C'est grand hasard. On m'a arrêté à tort. Je suis innocent de cette tempête civile. Votre majesté voit que le truand ne m'a pas reconnu. Je conjure votre majesté. » Tais-toi, dit le roi entre deux gorgées de tisane. Tu nous romps la tête. Tristan l'ermite s'avança et désignant Gringoire du doigt. Sire, peut-on prendre aussi celui-là ? C'était la première parole qu'il proférait. Peu, répondit négligemment le roi. Je n'y vois pas d'inconvénient. « J'en vois beaucoup, moi !» dit Gringoire. Notre philosophe était en ce moment plus vert qu'une olive. Il vit, à la mine froide et indifférente du roi, qu'il n'y avait plus de ressources que dans quelque chose de très pathétique, et se précipita aux pieds de Louis XI en s'écriant avec une gesticulation désespérée « Sire, votre majesté daignera m'entendre. Sire, n'éclatez pas en tonnerre sur si peu de choses que moi !» La grande foudre de Dieu ne bombarde pas une laitue. Sire, vous êtes un auguste monarque très puissant. Ayez pitié d'un pauvre homme honnête, et qui serait plus empêché d'attiser une révolte qu'un glaçon de donner une étincelle. Très gracieux sire, la débonnaireté est vertu de lion et de roi. Hélas, la raison ne fait qu'effaroucher les esprits. Les bouffées impétueuses de la bise ne sauraient faire quitter le manteau aux passants. Le soleil donnant de ses rayons peu à peu l'échauffe, de telle sorte qu'il le fera mettre en chemise. Sire, vous êtes le soleil, je vous le proteste, mon souverain maître et seigneur, je ne suis pas un compagnon truand, voleur et désordonné. La révolte et les brigandries ne sont pas de l'équipage d'Apollo. Ce n'est pas moi qui m'irai précipiter dans ces nuées qui éclatent en des bruits de sédition. Je suis un fidèle vassal de votre majesté. La même jalousie qu'a le mari pour l'honneur de sa femme, le ressentiment qu'a le fils pour l'amour de son père. Un bon vassal les doit avoir pour la gloire de son roi. Il doit sécher pour le zèle de sa maison, pour l'accroissement de son service. Toute autre passion qui le transporterait ne serait que fureur. Voilà, sire, mes maximes d'état. Donc ne me jugez pas séditieux et pillard à mon habit usé au coude. Si vous me faites grâce, sire, je l'userai au genou à prier Dieu soir et matin pour vous. Hélas, je ne suis pas extrêmement riche, c'est vrai, je suis même un peu pauvre, mais non vicieux pour cela. Ce n'est pas ma faute. Chacun sait que les grandes richesses ne se tirent pas des belles lettres, et que les plus consommés au bon livre n'ont pas toujours gros feu l'hiver. La seule avocasserie prend tout le grain et ne laisse que la paille aux autres professions scientifiques. Il y a 40 très excellents proverbes sur le manteau troué des philosophes. Ô sire, la clémence est la seule lumière qui puisse éclairer l'intérieur d'une grande âme. La clémence porte le flambeau devant toutes les autres vertus. Sans elle, ce sont des aveugles qui cherchent Dieu à tâtons. La miséricorde, qui est la même chose que la clémence, fait l'amour des sujets, qui est le plus puissant corps de garde à la personne du prince. Qu'est-ce que cela vous fait à vous, majesté, dont les faces sont éblouies, qu'il y ait un pauvre homme de plus sur la terre? Un pauvre innocent philosophe, barbotant dans les ténèbres de la calamité, avec son gousset vide qui résonne sur son ventre creux. D'ailleurs, sire, je suis un lettré. Les grands rois se font une perle à leur couronne de protéger les lettres. Hercule ne dédaignait pas le titre de Musagetes. Mathias Corvin favorisait Jean de Mont-Royal, l'ornement des mathématiques. Or, c'est une mauvaise manière de protéger les lettres que de pendre les lettrés. Quelle tâche à Alexandre s'il avait fait pendre Aristoteles! Ce trait ne serait pas un petit moucheron sur le visage de la réputation pour l'embellir, mais bien un malin ulcère pour le défigurer. Sire, j'ai fait un très expédient épithalame pour Mademoiselle de Flandre et Monseigneur le très auguste dauphin. Cela n'est pas un boutefeu de rébellion. Votre Majesté voit que je ne suis pas un grimaud, que j'ai étudié excellemment et que j'ai beaucoup d'éloquence naturelle. Faites-moi grâce, sire, cela faisant, vous ferez une action galante à Notre-Dame, et je vous jure que je suis très effrayée de l'idée d'être pendue. » En parlant ainsi, le désolé Gringoire baisait les pantoufles du roi, et Guillaume Rime disait tout bas à Coppenole : « Il fait bien de se traîner à terre. Les rois sont comme le Jupiter de Crète, ils n'ont des oreilles qu'aux pieds. » Et sans s'occuper du Jupiter de Crète, le chaussetier répondait avec un lourd sourire, l'œil fixé sur Gringoire, « Oh, que c'est bien cela! Je dois entendre le chancelier Hugonnet me demander grâce. » Quand Gringoire s'arrêta enfin tout essoufflé, il leva la tête en tremblant vers le roi, qui grattait avec son ongle une tache que ses chausses avaient au genou. Puis sa majesté se mit à boire ou à nappe de tisane. Du reste, elle ne soufflait mot, et ce silence torturait Gringoire. Le roi le regarda enfin. « Voilà un terrible braillard, » dit-il. Puis, se tournant vers Tristan l'ermite, « Bah, lâchez-le !» Gringoire tomba sur le derrière, tout épouvanté de joie. « En liberté ?» grogna Tristan. « Votre Majesté ne veut-elle pas qu'on le retienne un peu en cage ?»« Compère, » repartit Louis XI, « crois-tu que ce soit pour de pareils oiseaux que nous faisons faire des cages de 367 livres 8 sols 3 deniers ?» « Lâchez-moi, incontinent le paillard !» Louis XI affectionnait ce mot qui faisait avec, parce que Dieu, le fond de sa jovialité, et mettait-le hors avec une bourrade. « Ouf !» s'écria Gringoire. « Que voilà un grand roi !» Et de peur d'un contre-ordre, il se précipita vers la porte que Tristan lui rouvrit d'assez mauvaise grâce. Les soldats sortirent avec lui en le poussant devant eux à grands coups de poing, ce que Gringoire supporta en vrai philosophe stoïcien. La bonne humeur du roi, depuis que la révolte contre le bailli lui avait été annoncée, perçait dans tout. Cette clémence inusitée n'en était pas un médiocre signe. Tristan l'ermite, dans son coin, avait la mine renfrognée d'un dogue qui a vu et qui n'a pas eu. Le roi, cependant, battait gaiement avec les doigts sur le bras de sa chaise la marche de Ponto de Mer. C'était un prince dissimulé, mais qui savait beaucoup mieux cacher ses peines que ses joies. Ses manifestations extérieures de joie, à toute bonne nouvelle, allaient quelquefois très loin. Ainsi, à la mort de Charles le Téméraire, jusqu'à vouer des balustrades d'argent à Saint-Martin de Tours, à son avènement au trône, jusqu'à oublier d'ordonner les obsèques de son père. « Eh, sire !» s'écria tout à coup Jacques Coictier. « Qu'est devenue la pointe aiguë de maladie pour laquelle votre majesté m'avait fait mander ?»« Oh !» dit le roi. « Vraiment, je souffre beaucoup, mon compère. j'ai l'oreille sibilante et des râteaux de feu qui me raclent la poitrine. » Coictier prit la main du roi et se mit à lui tâter le pouls avec une mine capable. « Regardez, Coppenole, » dit Zérim à voix basse, « le voilà entre Coictier et Tristan. C'est là toute sa cour, un médecin pour lui, un bourreau pour les autres. » En tâtant le pouls du roi, Coictier prenait un air de plus en plus alarmé. Louis XI le regardait avec quelque anxiété. Coictier se rembrunissait à vue d'œil. Le brave homme n'avait d'autre métairie que la mauvaise santé du roi. Il l'exploitait de son mieux. « Oh, oh » murmura-t-il enfin, « ceci est grave en effet. »« N'est-ce pas ?» dit le roi inquiet. « Pulsus crebere, anhelans crepitans, irregularis, » continua le médecin. « Pas que Dieu ! Avant 3 jours, ceci peut emporter son homme. »« Notre-Dame !» s'écria le roi. « Et le remède ?»« J'y songe, sire. » Il fit tirer la langue à Louis XI, hocha la tête, fit la grimace, et tout au milieu de ses simagrées, « Pardieu, dit-il tout à coup, il faut que je vous conte qu'il y a une recette des régales vacante et que j'ai un neveu. « Je donne ma recette à ton neveu, compère Jacques, » répondit le roi, « mais tire-moi ce feu de la poitrine. » « Puisque votre majesté est si clémente, » reprit le médecin, « elle ne refusera pas de m'aider un peu en la bâtisse de ma maison rue Saint-André-des-Arcs. »« Dit le roi. « Je suis au bout de ma finance, » poursuivit le docteur, « et il serait vraiment dommage que la maison n'eût pas de toit. »« Non pour la maison qui est simple et toute bourgeoise, mais pour les peintures de jeu en fourbeau qui en égaient le lambris. Il y a une Diane en l'air qui vole, mais si excellente, si tendre, si délicate, d'une action si ingénue, la tête si bien coiffée, couronnée d'un croissant, la chair si blanche, qu'elle donne de la tentation à ceux qui la regardent trop curieusement. Il y a aussi une Cérès, c'est encore une très belle divinité. Elle est assise sur des gerbes de blé et coiffée d'une guirlande galante, d'épis entrelacés de salsifis et d'autres fleurs. Il ne peut se rien voir de plus amoureux que ses yeux, de plus rond que ses jambes, de plus noble que son air, de mieux drapé que sa jupe. C'est une des beautés les plus innocentes et les plus parfaites qu'ait produite le pinceau. « Bourreau !» grommela Louis XI. « Où en veux-tu venir ?»« Il me faut un toit sur ces peintures, sire, et quoi que ce soit peu de choses, je n'ai plus d'argent. »« Combien est ce toit ?»« Mais un toit de cuivre historié, doré, 2000 livres au plus. »« Ah, l'assassin !» cria le roi. « Il ne m'arrache pas une dent qui ne soit un diamant. » « Ai-je mon toit ?» dit Coictier. « Oui, va au diable, mais guéris-moi. » Jacques Coictier s'inclina profondément et dit « Sire, c'est un répercussif qui vous sauvera. Nous vous appliquerons sur les reins le grand défensif composé avec le cérat, le bol d'Arménie, le blanc d'œuf, l'huile et le vinaigre. Vous continuerez votre tisane et nous répondons de votre majesté. » Une chandelle qui brille n'attire pas qu'un moucheron. Maître Olivier, voyant le roi en libéralité et croyant le moment bon, s'approcha à son tour. « Sire, qu'est-ce encore ?» dit Louis XI. « Sire, votre majesté sait que maître Simon Radin est mort. »« Eh bien ?»« C'est qu'il était conseiller du roi sur le fait de la justice du trésor. »« Eh bien ?»« Sire, sa place est vacante. » En parlant ainsi, la figure hautaine de maître Olivier avait quitté l'expression arrogante pour l'expression basse. C'est le seul rechange qui est une figure de courtisan. Le roi le regarda très en face et dit d'un ton sec « Je comprends. » Il reprit « Maître Olivier, le maréchal de Boussicault disait « Il n'est donc de roi, il n'est péché qu'en la mer. Je vois que vous êtes de l'avis de monsieur de Boussicault. Maintenant, oyez ceci. Nous avons bonne mémoire. En 68, nous vous avons fait valet de notre chambre, en 69, garde du châtel du pont de Saint-Cloud, à 100 livres tournois de gage. Vous les vouliez parisi. En novembre 73, par lettre donnée à Gergeole, nous vous avons institué concierge du bois de Vincennes au lieu de Gilbert Hacle, écuyer. En 75, gruyer de la forêt de Rouvray-les-Saint-Cloud. en place de Jacques le Maire. En 78, nous vous avons gracieusement assis par lettre patente scellée sur le double queue de cire verte, une rente de 10 000 parisis pour vous et votre femme sur la place aux marchands, 6 à l'école Saint-Germain. En 79, nous vous avons fait gruyer de la forêt de Senart au lieu de ce pauvre jeu en dés. Puis capitaine du château de Loches, puis gouverneur de Saint-Quentin, puis capitaine du pont de Melun, dont vous vous faites appeler comte. Sur les 5 sols d'amende que paie tout barbier qui rase un jour de fête, il y a 3 sols pour vous, et nous avons le reste. Nous avons bien voulu changer votre nom de Le Mauvais qui ressemblait trop à votre mine. En 74, nous vous avons octroyé, au grand déplaisir de notre noblesse, des armoiries de 1000 couleurs qui vous font une poitrine de paon. Pâque Dieu ! N'êtes-vous pas saoul ? La pêcherie n'est-elle point assez belle et miraculeuse ? Et ne craignez-vous pas qu'un saumon de plus ne fasse chavirer votre bateau ? L'orgueil vous perdra, mon compère. L'orgueil est toujours talonné de la ruine et de la honte. Considérez ceci et taisez-vous. Ces paroles prononcées avec sévérité firent revenir à l'insolence la physionomie dépitée de Maître Olivier. « Bon, murmura-t-il presque tout haut, on voit bien que le roi est malade aujourd'hui. Il donne tout aux médecins. » Louis XI, loin de s'irriter de cette incartade, reprit avec quelque douceur. « Tenez, j'oubliais encore que je vous ai fait mon ambassadeur à Gand près de Madame Marie. « Oui, messieurs, ajouta le roi en se tournant vers les Flamands, celui-ci a été ambassadeur. » « Là, mon compère, poursuivit-il en s'adressant à Maître Olivier, ne nous fâchons pas, nous sommes vieux amis. Voilà qu'il est très tard, nous avons terminé notre travail. Rasez-moi. » Nos lecteurs n'ont sans doute pas attendu jusqu'à présent pour reconnaître dans Maître Olivier ce Figaro terrible que la Providence, cette grande faiseuse de drames, a mêlé si artistiquement à la longue et sanglante comédie de Louis XI. Ce n'est pas ici que nous entreprendrons de développer cette figure singulière. Ce barbier du roi avait 3 noms. À la cour, on l'appelait poliment Olivier le Daim, parmi le peuple, Olivier le Diable. Il s'appelait de son vrai nom Olivier le Mauvais. Olivier le Mauvais donc resta immobile, boudant le roi, en regardant Jacques Coictier de travers. « Oui, oui, le médecin, » disait-il entre ses dents. « Eh oui, le médecin, » reprit Louis XI avec une bonhomie singulière. « Le médecin a plus de crédit encore que toi. C'est tout simple. Il a prise sur nous par tout le corps, et tu ne nous tiens que par le menton. Va, mon pauvre barbier, cela se retrouvera. Que dirais-tu donc? Et que deviendrait ta charge si j'étais un roi comme le roi Chilpéric qui avait pour geste de tenir sa barbe d'une main? Allons, mon compère, va qu'à ton office, rase-moi, va chercher ce qu'il te faut. » Olivier, voyant que le roi avait pris le parti de rire et qu'il n'y avait pas même moyen de le fâcher, sortit en grondant pour exécuter ses ordres. Le roi se leva, s'approcha de la fenêtre, et tout à coup l'ouvrant avec une agitation extraordinaire. « Oh oui » s'écria-t-il en battant des mains. « Voilà une rougeur dans le ciel de la cité. C'est le bailli qui brûle. Ce ne peut être que cela. Ah, mon bon peuple ! Voilà donc que tu m'aides enfin à l'écroulement des seigneuries !» Alors se tournant vers les Flamands, « Messieurs, venez voir ceci. N'est-ce pas un feu qui rougeoie ?» Les 2 Gantois s'approchèrent. « Un grand feu !» dit Guillaume Rym. « Oh !» ajouta Coppenole, dont les yeux étincelèrent tout à coup. « Cela me rappelle le brûlement de la maison du seigneur d'Imbercourt. Il doit y avoir une grosse révolte là-bas. »« Vous croyez, maître Coppenole ?» Et le regard de Louis XI était presque aussi joyeux que celui du chaussetier. « N'est-ce pas qu'il sera difficile d'y résister ?»« Crois Dieu, sire, votre majesté ébréchera là-dessus bien des compagnies de gens de guerre. » « Ah, moi, c'est différent, » repartit le roi. « Si je voulais... » Le chaussetier répondit hardiment. « Si cette révolte est ce que je suppose, vous auriez beau vouloir, sire. »« Compère, » dit Louis XI, avec deux compagnies de mon ordonnance et une volée de serpentines, on a bon marché d'une populace de manants. » Le chaussetier, malgré les signes que lui faisait Guillaume Rime, paraissait déterminé à tenir tête au roi. « Sire, les Suisses aussi étaient des manants. Monsieur le duc de Bourgogne était un grand gentilhomme et il faisait fi de cette canaille. À la bataille de Grandson, sire, il criait « Jean de canon, feu sur ces vilains !» et il jurait par Saint-Georges. Mais, la voyez, Charnachal se rua sur le beau duc avec sa massue et son peuple. Et de la rencontre des paysans à peau de buffle, la luisante armée bourguignonne s'éclata comme une vitre au choc d'un caillou. Il y eut là bien des chevaliers de tués par des marauds, et l'on trouva monsieur de Château-Guyon, le plus grand seigneur de la Bourgogne, mort avec son grand cheval grison dans un petit pré de marais. « L'ami, repartit le roi, vous parlez d'une bataille, il s'agit d'une mutinerie, et j'en viendrai à bout quand il me plaira de froncer le sourcil. » L'autre répliqua avec indifférence, « Cela se peut, sire. En ce cas, c'est que l'heure du peuple n'est pas venue. » Guillaume Rime crut devoir intervenir. « Maître Coppenole, vous parlez à un puissant roi. » « Je le sais, » répondit gravement le chaussetier. « Laissez-le dire, monsieur Rime, mon ami, » dit le roi. « J'aime ce franc-parler. Mon père Charles VII disait que la vérité était malade. Je croyais, moi, qu'elle était morte et qu'elle n'avait point trouvé de confesseur. Maître Coppenole me détrompe. » Alors, posant familièrement sa main sur l'épaule de Coppenole, « Vous disiez donc, maître Jacques ?»« Je dis, sire, que vous avez peut-être raison, que l'heure du peuple n'est pas venue chez vous. » Louis XI le regarda avec son œil pénétrant. « Et quand viendra cette heure, maître ?»« Vous l'entendrez sonner. » « À quelle horloge, s'il vous plaît ?» Coppenole, avec sa contenance tranquille et rustique, fit approcher le roi de la fenêtre. « Écoutez, sire, il y a ici un donjon, un beffroi, des canons, des bourgeois, des soldats. Quand le beffroi bourdonnera, quand les canons gronderont, quand le donjon croulera à grand bruit, quand bourgeois et soldats hurleront et s'entretueront, c'est l'heure qui sonnera. » Le visage de Louis devint sombre et rêveur. Il resta un moment silencieux, puis il frappa doucement de la main, comme on flatte une croupe de destrier, l'épaisse muraille du donjon. « Oh, que non, » dit-il. « N'est-ce pas que tu ne crouleras pas si aisément, ma bonne Bastille ?» Et se tournant d'un geste brusque vers le hardi flamand, « Avez-vous jamais vu une révolte, maître Jacques ?»« J'en ai fait, » dit le chaussetier. « Comment faites-vous, » dit le roi, « pour faire une révolte ?»« Ah, » répondit Coppenole, « ce n'est pas bien difficile. Il y a 100 façons. D'abord, il faut qu'on soit mécontent dans la ville. La chose n'est pas rare. Et puis, le caractère des habitants. Ceux de Gand sont commodes à la révolte. Ils aiment toujours le fils du prince, le prince jamais. Eh bien, un matin, je suppose, on entre dans ma boutique, on me dit « Père Coppenole, il y a ceci, il y a cela. La demoiselle de Flandre veut sauver ses ministres. Le grand bailli double le tru de l'Esgrin, ou autre chose, ce qu'on veut. Moi, je laisse là l'ouvrage, je sors de ma chaussetterie et je vais dans la rue et je crie « à sac !» Il y a bien toujours là quelque futaille défoncée. Je monte dessus et je dis tout haut les premières paroles venues, ce que j'ai sur le cœur. Et quand on est du peuple, sire, on a toujours quelque chose sur le cœur. Alors on s'attroupe, on crie, on sonne le tocsin, on arme les manants du désarmement des soldats, les gens du marché s'y joignent et l'on va. Et ce sera toujours ainsi, tant qu'il y aura des seigneurs dans les seigneuries, des bourgeois dans les bourgs et des paysans dans les pays. « Et contre qui vous rebellez-vous ainsi ? » demanda le roi. « Contre vos baillis, contre vos seigneurs ?»« Quelquefois, c'est selon, contre le duc aussi, quelquefois. » Louis XI alla se rasseoir et dit avec un sourire, « Ah, ici, ils n'en sont encore qu'aux baillis. » En cet instant, Olivier le Dain rentra. Il était suivi de deux pages qui portaient les toilettes du roi. Mais ce qui frappa Louis XI, c'est qu'il était en outre accompagné du prévôt de Paris et du chevalier du Guet, lesquels paraissaient consternés. Le rancuneux barbier avait aussi l'air consterné, mais content en dessous. C'est lui qui prit la parole. « Sire, je demande pardon à votre majesté de la calamiteuse nouvelle que je lui apporte. » Le roi, en se tournant vivement, écorcha la natte du plancher avec les pieds de sa chaise. « Qu'est-ce à dire ?»« Sire, reprit Olivier Ledain avec la mine méchante, d'un homme qui se réjouit d'avoir apporté un coup violent, ce n'est pas sur le bailli du palais que se rue cette sédition populaire. »« Et sur qui donc ?»« Sur vous, sire. » Le vieux roi se dressa debout et droit comme un jeune homme. « Explique-toi, Olivier, explique-toi, et tiens bien ta tête, mon compère, car je te jure par la croix de Saint-Lô que si tu nous mens à cette heure, l'épée qui a coupé le cou de monsieur de Luxembourg n'est pas si ébréchée qu'elle ne sied encore le tien. » Le serment était formidable. Louis XI n'avait juré que deux fois dans sa vie par la croix de Saint-Lô. Olivier ouvrit la bouche pour répondre. « Sire, mets-toi à genoux. » interrompit violemment le roi. « Tristan, veillez sur cet homme. » Olivier se mit à genoux et dit froidement, « Sire, une sorcière a été condamnée à mort par votre cour de parlement. Elle s'est réfugiée dans Notre-Dame. Le peuple l'y veut reprendre de vive force. Monsieur le prévôt et monsieur le chevalier du Guet, qui viennent de l'émeute, sont là pour me démentir si ce n'est pas la vérité. C'est Notre-Dame que le peuple assiège. » « Oui, da, » dit le roi à voix basse, tout pâle et tout tremblant de colère. « Notre-Dame ! Ils assiègent dans sa cathédrale Notre-Dame, ma bonne maîtresse. Relève-toi, Olivier, tu as raison, je te donne la charge de Simon Radin. Tu as raison, c'est à moi qu'on s'attaque. La sorcière est sous la sauvegarde de l'Église. L'Église est sous ma sauvegarde, et moi qui croyais qu'il s'agissait du bailli, c'est contre moi !» Alors, rajeuni par la fureur, il se mit à marcher à grands pas. Il ne riait plus, il était terrible. Il allait et venait. Le renard s'était changé en hyène. Il semblait suffoqué à ne pouvoir parler. Ses lèvres remuaient et ses poings décharnés se crispaient. Tout à coup, il releva la tête. Son œil cave parut plein de lumière et sa voix éclata comme un clairon. « Main basse, Tristan, main basse sur ces coquins! Va, Tristan, mon ami, tue !» Cette éruption passée, il vint se rasseoir et dit avec une rage froide et concentrée « Ici, Tristan, il y a près de nous dans cette bastille les 50 lances du vicomte de Gif, ce qui fait 300 chevaux, vous les prendrez. Il y a aussi la compagnie des archers de notre ordonnance, monsieur de Châteaupers, vous la prendrez, vous êtes prévôt des maréchaux, vous avez les gens de votre prévôté, vous les prendrez. À l'hôtel Saint-Paul, vous trouverez 40 archers de la nouvelle garde de monsieur le dauphin, vous les prendrez, et avec tout cela, vous allez courir à Notre-Dame. « Ah, messieurs les manants de Paris, vous vous jetez ainsi tout au travers de la couronne de France, de la sainteté de Notre-Dame et de la paix de cette République. Extermine, Tristan, extermine, et que pas un n'en réchappe, que pour mon faucon. » Tristan s'inclina. « C'est bon, sire, » il ajouta après un silence, « et que ferai-je de la sorcière ?» Cette question fit songer le roi. « Ah, dit-il, la sorcière, monsieur d'Estouteville, qu'est-ce que ce peuple en voulait faire ?»« Sire, répondit le prévôt de Paris, j'imagine que puisque le peuple la vient arracher de son asile de Notre-Dame, c'est que cette impunité le blesse et qu'il la veut pendre. » Le roi parut réfléchir profondément, puis s'adressant à Tristan l'ermite, « Eh bien, mon compère, extermine le peuple et pends la sorcière. » C'est cela, dit tout bas Rime à Coppenole, punir le peuple de vouloir et faire ce qu'il veut. Il suffit, sire, répondit Tristan. Si la sorcière est encore dans Notre-Dame, faudra-t-il l'y prendre malgré l'asile? Pas que Dieu l'asile, dit le roi en se grattant l'oreille. Il faut pourtant que cette femme soit pendue. Ici, comme pris d'une idée subite, il se rua à genoux devant sa chaise, ôta son chapeau, le posa sur le siège. Et regardant dévotement l'une des amulettes de plomb qui le chargeait, « Oh ! » dit-il les mains jointes, « Notre-Dame de Paris, ma gracieuse patronne, pardonnez-moi, je ne le ferai que cette fois. Il faut punir cette criminelle. Je vous assure, Madame la Vierge, ma bonne maîtresse, que c'est une sorcière qui n'est pas digne de votre aimable protection. Vous savez, madame, que bien des princes très pieux ont outrepassé le privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité de l'État. Saint Hugues, évêque d'Angleterre, a permis au roi Édouard de pendre un magicien dans son église. Saint Louis de France, mon maître, a transgressé pour le même objet l'église de M. Saint-Paul, et M. Alphonse, fils du roi de Jérusalem, l'église même du Saint-Sépulcre. Pardonnez-moi donc pour cette fois Notre-Dame de Paris. Je ne le ferai plus, et je vous donnerai une belle statue d'argent, pareille à celle que j'ai donnée l'an passé à Notre-Dame des Couilles. Ainsi soit-il. Il fit un signe de croix, se releva, se recoiffa, et dit à Tristan, « Faites diligence, mon compère, prenez M. de Châteaupers avec vous. Vous ferez sonner le tocsin, vous écraserez le populaire, vous pendrez la sorcière, c'est dit. Et j'entends que le pourchas de l'exécution soit fait par vous. Vous m'en rendrez compte. Allons, Olivier, je ne me coucherai pas cette nuit, rase-moi. » Tristan l'ermite s'inclina et sortit. Alors le roi, congédiant du geste Rime et Coppenole, Dieu vous garde, messieurs mes bons amis les Flamands. Allez prendre un peu de repos, la nuit s'avance et nous sommes plus près du matin que du soir. » Tous deux se retirèrent en gagnant leurs appartements sous la conduite du capitaine de la Bastille. Coppenole disait à Guillaume Rime, « Hein, j'en ai assez de ce roi qui tousse. J'ai vu Charles de Bourgogne ivre, il était moins méchant que Louis XI malade. » « Maître Jacques, répondit Rime, c'est que les rois ont le vin moins cruel que la tisane. »